sont là? Est-ce qu'ils sont pas là? Ils sont là. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes au bon endroit, au meilleur moment dans l'émission 163 de Goodbye Kevin sur Radio Campus Lille. Bonjour Léna. Bonjour Pierrot. T'as vu, c'est un troll d'un coup. Parfaite. Plus de respiration. Sans défaut. Tais-toi, petit générique. Pourquoi? Puisqu'on va mettre un petit morceau de musique. Putain, ça rime. Cette entrée en matière de Mission 163 a été travaillée pendant 10 ans avec un coach mental et un culturisme, ce qui fait que vous ne voyez pas comme c'est la radio, mais je suis très costaud. Et je suis allé chez le coiffeur. Ce n'est pas vrai. Alors, première émission post-confinement, déconfite. Non. Ouais, déconfite, non, déconfiné, mais toujours à la maison. Voilà, on continue. Et donc, on va commencer direct avec un très bon album. On va commencer avec le projet de Will Toledo. Comme la ville, Toledo. Je sais pas, je connais pas cette ville. C'est une ville... Américaine. Américaine. Ça me fait rire. Américaine. Oui, Will Toledo, bah, son projet c'est Car Seat and Rest. Ouais. Maintenant il est assez connu dans le monde indie rock. Oui. Et là, sur son dernier album qui s'appelle Making a Door Less Open, toujours chez Matador Records, eh ben, il fait un virage synthétique. Bim. Bim. Donc avant 2015, bah, lui il enregistrait dans sa voiture, la voiture familiale même. Ah oui, d'accord, trop bien. C'est une car pop quoi. Comme la bed pop. Donc voilà, il faisait du lo-fi. Et genre, il a, sur son bandcamp, il y avait une dizaine d'albums disponibles. Donc, oui. Il était assez... prolifique. Exact. Et donc, en 2016, il y a l'album Teen of Denial qui est sorti et qui permet son éclosion. Après, il continue sur Matador Records, et où c'est, il fait du classique, indie rock. Et là, on dit qu'il a un virement plus synthétique, avec de la batterie électronique, avec sa voix, qu'on reconnaît quand même. Je trouve que sa voix, elle ressemble beaucoup à celle de Julia Casablanca, ouais. Les Strokes. Album qui est sorti au même moment. Que l'album des Strokes. Oui. Tu m'as compris. Ouais. Vous m'avez compris, chers auditeurs. Et je trouve qu'il y a des comparaisons qu'on peut faire, puisqu'ils ont eu aussi ce virement un peu synthétique, les Strokes. Cet album, leur dernier album, il est aussi comme ça. Il y en a un qui a mieux réussi que l'autre. Peut-être, peut-être pas. À vous d'écouter. À vous de décider. Voilà, en tout cas, dans cet album-là, il va vers la New Wave. Il va aussi vers le côté un peu électro, drum and bass, quoi, un peu boom, énervé. Boom, boom, boom. Après, il reste quand même très, très rock. Ça, c'est un très bon album. Je vous conseille de l'écouter. Et nous, on va écouter Deadline. On verra si à la fin, on a le temps, comme d'hab, d'écouter un autre morceau. Mais voilà, ce qui est bien, c'est qu'il explore différents univers. Après... il écrivait très bien sur ses albums précédents, il continue quoi. Il n'y a pas de raison que pour celui-ci, ce soit autrement. Ouais, après, le virement synthétique, le virage synthétique, moi je ne l'avais pas vu quoi. Bah non, mais il sort tellement de trucs. Allez, Car Seat and Rest et le morceau Deadlines. I never see the threat too soon. The blood on the bandage, the ghost in the room. The canvas as wide as the moon. But when I see it at night, it's a sickening blue. I was thinking people never change, but there's a new taste of dread that I cannot explain. And the thoughts that make up my life get reflected in others from time to time. Now I've got another question. And if we run out of time, can we make an exception? Got a piece that needs completion. And I want to hear more from you. Here's what I'd like to do. Oh, temptation. I could be a part of you. Am I on your mind? see in your prayers. It's the same things we pay for. Got a currency that you accept. If you want to exchange, we can try to connect. Give me the number to your room and leave the door on the latch. There are tigers in the jungle, there's a knife in the mattress. I don't think we broke the glass, but hell if I know. I never learned to dance, what the hell do I know? Bien sur la radio du lycée, et non, c'est Radio Campus Lille toujours, avec Car Seat Undressed et Deadlines. Alors je dis, c'est bien, vous êtes bien sur la radio du lycée, parce que je trouve qu'il y a un côté collège US, collège rock, avec la guitare. Oui, mais très léger quand même. Hein. Ouais, bon, ça fait indie rock très américain. Ouais, mais sans tomber dans le gros cliché non plus. C'est pas Avril Lavigne non plus, c'est voilà, ça que tu voulais dire. C'est exactement ça. Bah voilà. Bah, on continue sur une lancée... Je sais pas si ça va être un peu... Non, c'est pas la même lancée. On va écouter un extrait du dernier album de BC Complete, qui est un songwriter et multi-instrumentaliste américain, qui s'appelle Brian Christenzio, et qu'on a pu voir notamment jouer aux côtés des War on Drugs, notamment en live. Et voilà. Et on l'avait déjà passé dans l'émission. Pierrot. Ouais. Émission numéro 14. Hey. Oui, au tout début, c'était un album qui était teinté de soul. Ouais. Il y avait beaucoup d'influences, soul. Et ben je vais revenir dessus parce que du coup l'album qu'on avait passé, l'extrait qu'on avait passé, c'était le début d'une trilogie qui s'appelait The Manchester Trilogy. Donc ce dernier album vient clore cette trilogie. Et donc il est américain. En fait, il vit à Manchester. Voilà, il est américain. Il a commencé à faire de la musique vers 2002. Il a signé chez chez One Little Indian, et il a sorti deux albums ses deux premiers albums là-bas en 2005, en 2007, mais qui n'ont pas énormément connu de franc succès. En fait, ce label-là l'a lâché. Ou qui sont restés pour un cercle réservé. Oui, voilà. Ouais, voilà, le succès commercial en tout cas n'a pas été présent. Ouais. À la même époque, il avait des petits problèmes d'alcool, de drogue et de soucis mentaux, problèmes dans sa tête. Ce qui fait qu'en fait, il a arrêté de la musique, il a même envisagé d'arrêter totalement, jusqu'à ce qu'il y ait un gars qui lui dise sur un réseau social, un de ses fans, qui lui dise bah, pourquoi tu changes pas de vie, ou voilà, déménage. Et en fait, il est allé à Manchester. Ah oui ? Ouais. Il est allé à Manchester, il a pris le temps de se poser, il a recommencé à écrire, à se produire. Et puis, tu as Bella Union, qui avait déjà écouté ses deux premiers albums, qui en 2014 lui tend la main et lui propose de signer chez eux et de sortir un troisième album. Cet album que tu avais passé du coup dans l'émission. Ouais, je crois dans cet album-là, il évoque tout ce mal-être qu'il avait, tous ces problèmes. Quoi. C'est des sujets qui ont permis de le construire. Et si, quoi, je te laisse présenter juste après, mais écoutez ce premier album qui est vraiment très très bon. Ouais. au niveau soul, quoi, toute l'ambiance. C'était blindé de pépites de singles imparables, quoi. Exact. Imparable. Donc il était plutôt sur de la pop soul. Alors là, donc on va écouter un extrait de ce troisième volet de trilogie. Donc l'album s'appelle Shortly After Takeoff, qui est sorti le 24 avril, meilleur jour du monde. C'est l'anniversaire de Léna, c'est pour ça qu'elle dit ça. Et donc ce morceau s'appelle Back to Work. En période de déconfinement, c'est parfait. Et voilà, ce petit truc qu'on n'a pas dit, c'est que c'était pop soul, mais en fait, il repousse souvent les limites de la pop. Il explore un petit peu tout. Et là, on est sur une pop un peu plus tumultueuse, avec des côtés un petit peu plus électro, peut-être un peu plus industriel. Alors pas sur tous les morceaux. Ouais, ou même un peu synthétique, quoi. Ouais. C'est que j'ai juste écouté un extrait. Je sais que ce qui était marquant sur le troisième album, c'était le côté clair de sa voix qu'on retrouve dans la soul, quoi, que c'est la puissance de la voix et la douceur. Et là, je ne l'ai pas retrouvé forcément. Non, bah c'est plus en retrait. Bah, on entend plus, beaucoup plus. On entend beaucoup plus l'instrumentation, quoi. L'orchestration. Non, ouais. On ne peut pas parler d'orchestration parce qu'il n'y a pas non plus 20 000 nappes de musique là-dessus. Mais enfin, bon, tu vas voir. Vous allez écouter Back to Work, vous allez comprendre tout de suite de quoi on veut parler. Donc, Back to Work de BC Camp Light sur Radio Campus Lille. Back to work. Camp Light avec Back to Work, si vous n'avez pas compris, au boulot. Allez ouais. Hop, au charbon. Mais non, c'est le week-end, arrête les nouilles. Ouais, ouais. Donc tu vois le côté pop tumultueuse dont je te parlais ? Ah ouais, ouais, puis le côté électronique. Hein. Ah ouais, bah alors sur ce, j'avoue que j'ai choisi ce morceau exprès parce que c'est celui qui a l'extrême limite. Ouais, ouais. Voilà. Pour illustrer un peu, mais après tout l'album n'est pas comme ça. Après il y a du bon, il y a du moins bon, ça dépend ce que tu aimes ou non. Extrême voilà. Limite. Oui. C'est ton destin, c'est ta passion. Bah non, mais c'est parce que du coup là on est vraiment sur du gros électro. Enfin j'étais très surprise moi quand j'ai commencé à écouter ce morceau-là, de la tournure d'après. Eh ben on a fait du rock indé, du rock électro, et là on va partir vers un peu le jazz. Ah bah c'est bien. Hein, c'est bien parce que moi après je vais partir sur un petit hip-hop, donc tu vois, ça suit son cours. On va écouter le projet de Matthew Tavares et de Leland Whitey, qui sont des artistes canadiens qui ont reçu un Grammy Award, notamment pour leur succès avec le groupe Bad Bad Not Good. Ah oui, d'accord. Alors Matthew Tavares, lui, il était cofondateur du groupe, il l'a quitté en bon terme, hein. Oui. En 2019, l'autre Leland Whitey, il y est encore. Et bah, ils ont collaboré avec beaucoup, surtout du monde du hip-hop, avec Kendrick Lamar. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est hip-hop aussi. Hein. Ouais, Little Sims. C'est, quoi, c'est très jazz, mais c'est vrai qu'il y a des feats avec beaucoup de mecs du hip-hop. Donc Tavares, lui, il avait déjà sorti un album solo en 2018 qui s'appelait Déjà Gomez. Vu. Tavares. Gomez et Tavares. Ah oui, le superbe film. Et donc ils ont aussi réalisé des productions de Travis Scott, d'autres, je vais pas le dire les autres parce que c'est non, Justin Bieber quoi. Je l'ai dit. Et là bah, ils ont sorti un nouveau projet ensemble. C'est un EP long puisqu'il dure une heure où ils explorent un peu les limites artistiques. Donc ils font des performances live des compositions qu'ils ont écrites. Donc ils l'enregistrent d'un coup. Et il y a une partie aussi qui est improvisée. Ce qui fait qu'en concert, ça sera nouveau à chaque fois. Quoi. D'accord. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Tu vois, le double truc. Ouais. On enregistre d'un coup et il y a eu des parties d'impro dans leur morceau. Donc là, en gros, le morceau, on va l'écouter puis ce sera déjà le temps de se dire au revoir. Non. Non, je rigole. Non, c'est pas, ça veut pas dire long, impro. Ça veut dire qu'il y a des phases de création. Non, mais c'est parce que t'as dit que l'EP durait une heure. Alors du coup, je me dis, 6 morceaux d'une heure... Ah non, il y a plus de morceaux, il y en a 10 au moins. C'était une blague. Ok. T'as pas l'air de saisir. Non, j'étais pas là. Donc Tavares, lui, joue du piano et de la guitare, et Whitey, saxophone et flûte, et ils sont rejoints sur scène par un bassiste et un batteur. Donc là, on va écouter Through the Looking Glass sur l'album Vision, hein, toujours, qui est sorti chez Monsieur Bongo Records. Thank you. Mathieu Tavares et Leland Whitey pour leur projet Visions. Moins facile d'accès peut-être que Bad Bad Not Goods. Ouais, ouais, bah beaucoup moins, oui. Après, ça part sur des côtés barrés et la pochette est sublime. Ah, bah c'est bien, ça sera peut-être notre, notre pochette d'illustration pour cette émission. Ouais, qui n'est pas du tout geste barrière et distance, hein, c'est des gens sur... qui s'embrassent. Donc ils sont sur un espèce de festival, quoi, tu verrais, c'est ce que j'imagine, hein, mais les gens qui sont allongés sur une butte. D'accord. Ah là là, c'est pas bien, l'impression qu'ils vivent trop dans le passé. On continue sur notre lancée hip-hop, entre guillemets, parce que là, c'était pas vraiment hip-hop, mais bon, il y avait des liens. Oui, oui, oui. Avec le projet d'un acteur, scénariste et humoriste qui s'appelle Dominique Purdy, mais qui est plus connu pour ses talents de MC, de producteur spécialisé dans le hip-hop, le Raw Hip-Hop. R-A-W. R-A-W. Voilà. Donc son projet s'appelle The Koreatown. Auditi. Koreatown, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le quartier de Los Angeles où il a grandi. Et en fait, le hip-hop, pourquoi ? Parce qu'en fait, sa mère, dans ce quartier-là, elle tenait une boutique de bijoux. Et non, avant, quand elle habitait à San Francisco, elle avait une boutique de bijoux. Et elle était souvent amenée, c'était une fan de hip-hop, et elle était souvent amenée à équiper les rappeurs qui adorent les petits bijoux. Voilà. Et donc, du coup, c'est un petit peu elle qui lui a transmis sa passion pour le hip-hop. D'accord. Et lui, ce qu'il fait, ce que je comprends dans Raw Hip-Hop, c'est que, en fait, il parle beaucoup, soit en fait, c'est un style très terre à terre, il va parler que de ce qu'il connaît. Et en même temps, tu vois, il a des côtés dans ses paroles où il part dans des narrations un peu fantaisistes ou un peu plus terre à terre, où c'est ses observations du quotidien. Souvent, ça parle de problèmes sociaux. Voilà. Ouais. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'entendre, le raw hip-hop. D'accord. Autre particularité, il sort quasiment que des trucs sur, en format cassette. Ok. Voilà. Son petit délire. Peut-être aussi pour ça, raw, tu sais, dans le sens un peu brut. Ouais. Brut de décoffrage. Et en fait, c'est plutôt du hip-hop, plutôt underground, enfin lofi, un peu expérimental. Il est assez prolifique parce qu'il fait beaucoup de choses avec plein de gens. Il a été signé chez Stone Throw Records en 2017, chez qui il a sorti son deuxième album solo. Et là, le 16 avril dernier, il a sorti un single qui annonce son prochain album, qui sortira je ne sais pas quand, il n'y a pas la date. Ce single-là s'appelle Weed in LA, et c'est un peu une réflexion sur la ville de Los Angeles, de comment lui, en fait, cette ville a beaucoup, beaucoup changé depuis qu'il est gosse, mais qu'en fait, il la voit toujours du même œil, avec son regard d'enfant. Et voilà, mais c'est pas celui-ci qu'on va écouter. Non, mais c'est marrant, la ville de Los Angeles. Non, ouais, Los Angeles, ça a l'air d'être une ville très spéciale, quoi, qui a une identité forte. Je sais que les gens, quand ils y vont, ils sont marqués. Très multiculturel aussi. Ouais. Et qui a beaucoup, beaucoup évolué, en fait. Ouais, moi qui m'a jamais attiré, mais comme j'en entends beaucoup parler, je deviens curieux de cette ville. Ouais, ouais. Bah là, le morceau donc, qu'on va passer, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Attention Challenge. C'est un morceau, je ne sais pas s'il figurera sur l'album, parce que c'est plutôt un featuring. Et en tout cas, il n'y a pas marqué quand tu vas regarder. Enfin, il n'y a pas marqué que ça appartient à cet album-là, album à venir et tout. Il n'est pas présenté comme un single, en tout cas. Donc, c'est un featuring sur lequel tu peux retrouver des artistes comme Fat Lip, Subtitle, Skyler Duff, Corinne Anquiton, Swift et Nita Darling. Je n'en connais aucun. Ah oui, j'en connais aucun. Ouais. C'est pas mal, tu vas voir, c'est barré. Là, en fait, pourquoi j'ai choisi ce morceau-là, c'est parce que du coup, on voit bien son petit univers où ça change de... Enfin, voilà, c'est très brut. Très... C'est représentatif de l'artiste. Ouais, c'est un long morceau, 6 minutes 7, mais qui est vraiment pas mal. The Koreatown Auditi avec Attention Challenge, s'il vous plaît. You can fool the whole world down the pathway of years and get passed on your back as you pass. But your final reward would be heartaches and tears. If you cheat with God in the glass. Y'all motherfuckers is boring, man. Ain't nobody paying attention to y'all. Let me tell y'all how to get some attention, man. Do this challenge for attention. You don't need to have no talent for attention. Say something stupid for attention. Pull out machine guns, start shooting for attention. You could be racist for attention. Tell these hoes to get naked for attention. bitch could be pregnant for attention. Then pop a pussy out in public for attention. Get some fake titties for attention. Make sure you get some ass injections to go with it. Instigate some drama for attention. Disrespect your mama for attention. Set yourself on fire for attention. Be a wicked for attention. Police will kill a nigga for attention. Then say all lives matter for attention. Be ignorant for attention. Become the president for attention. Smoke crack for attention. Act fake woke and black for attention. Get a rape case for attention. Get tats on your face for attention. Put out a sex tape for attention. Extort a movie star for attention. Cause it really don't matter who you are for attention. Slap a hoe for attention. Get your own reality show for attention. Start a fake beat for attention. Say some comments and delete for attention. Burn a flag for attention. See your man dressed in drag for attention. Say you big pimpin' for attention. Pour some lean in your slurpee for attention. Tell the world you got herpes for attention. But no matter what, keep being thirsty for attention. No matter what, keep being thirsty for attention. No matter what, keep being thirsty for attention. No matter what, keep being thirsty for attention. Hey yo, K-Town, man, what the fuck is going on, man? Niggas is down here wildin'. They on some look at me, look at me. I'm talking about everybody's on it. This nigga's on it, that nigga's on it. His mama, everybody on it. How about you look for that motherfucking job or where that hairline used to be? Act depressed for attention. Take your own death for attention. Take a naked picture with your son for attention. Faking like you having fun for attention. What kind of tap on your lip for attention? Whoops, that's a nip slip for attention. Dress your baby like a hoe for attention. Use a stack of money like a phone for attention. Hello? Money? Improve your life for attention. Attention. Destroy your life for attention. Attention. Be white and dance good for attention. Nay, nay. Take a picture in the hood for attention. Get back in the car. Wish a nigga would for attention. Talk shit about your dead homies for attention. Die in a freezer for attention. Buy your kid a couple ponies for attention. Slut walk dick teaser for attention. She shake that ass for attention. Keep talking how you worthy of attention. Take it. Snapchat giving birth for attention. But no matter what, keep being thirsty for attention. No matter what, keep being thirsty for attention. No matter what, keep being thirsty for attention. No matter what, keep being thirsty for attention. Oh man, look at this motherfucker right here. Oh my god. No, but did you see her? No, no, wait, look. Let me show you this motherfucker right here. Oh my god. I can't believe that shit. What is this bitch doing right here, though? What did that dude just say? I can't believe he said that. Did he really? He did not say that. Yeah, did he really say that? Did he do that? No. Maybe I'm making that up. No, you making that up. From the motherfuckers that bought you Niggapedia and Virtual Backwoods, we now have Black Google. Yes, Black Google. We gave a few people in the community our new product and let them try it out. Call this number now to try it for yourself. Yo, Black Google. Yes, yes. Man, what the fuck are moon rocks? Yo, Black Google. Yes, yes. What is gentrification? I cannot help you. Yo, Black Google. Yes, yes. Why do niggas wake up early, shower, get dressed, and don't go nowhere? Hey, yo, Black Google. Is that the police following me? Yo, Black Google. Yes. Is he my dad or my uncle? Hey, yo, Black Google. Yes, yes. Let me borrow $27. Yo, Black Google. Yes. Can you tell me if this brother is broke or not? Yo, Black Google. Yes, yes. What's up with Scientology? I'm saying no. Yo, Black Google. Yes, yes. What the fuck is in this chicken? Yo, Black Google. Yes, yes. Will I get to the club before 10? I do not know. Yo, Black Google. How can I help you? You with the feds? Yes, yes. Yo, Black Google. With the hidden foe. Where can I get some ass shots? Yo, Black Google. Yes, yes. Does that nigga live with his mama? He say she's staying with him, but is he lying? Yo, Black Google. Yo, Black Google. Who are the inventors of, yo, Hey yo, Black Google. Hey yo, no, for real. Yo, Black Google, for real. Let me ask you this for real. Hey yo, Black Google. What time is Hey yo, no, for real. Yo, Black Google, for real. Let me ask you this for real. The Koreaton Oddity avec Attention Challenge. Voilà, un petit extrait de ce qu'il peut faire, un peu barré, moi que j'aime beaucoup. Eh ben, on va rester dans ce côté un peu barré, pas forcément easy listening, pas facile d'accès en premier. Je trouve qu'il y a un bon fil rouge sur les morceaux qu'on choisit. Donc accrochez-vous, continuez, c'est pas fini, mais c'est toujours aussi bien. Avec Koshema, qui a sorti un album All My Relations chez Dapton Records. Où elle parle de toutes ses relations. Alors c'est un mec. Il parle de toutes ses histoires d'amour. Bah tu vas voir, je vais t'expliquer. Dapton Records, qui est à la base un label plutôt axé soul et funk. Et donc lui, ça a été un musicien qui a été souvent au service des autres, comme Charlotte Jones and the Dapkins, The Budo Bands, Antibalas, Quincy Jones, Amy Winehouse, David Byrne. Voilà, des musiciens qu'on a déjà passés dans cette émission ou qu'on a déjà écoutés. Donc c'est un saxophoniste. Et donc il propose un projet qui est assez personnel où il explore ses racines amérindiennes. Voilà, c'est pour ça les All of My D'accord, Relations. Okay. Je te voyais bloqué. Oui, non, c'est le temps d'imprimer, ça ne s'est pas fait tout de suite. Donc il est de descendance, si vous voulez tout savoir, des Yaquis et des Mercaleros Apaches. Voilà. Et donc sa musique, c'est un spiritual jazz qui est assez riche en percussions, notamment le morceau qu'on va écouter qui s'appelle All My Relations, comme l'album. Et ça fait une œuvre qui est une sorte d'improvisation collective, avec une dizaine de musiciens, et ça reste proche, tu vois, d'un rituel, d'une cérémonie chamanique. Mmh. Voilà, il y a ce côté-là, quoi. Moi, je pense que je vous ai mis la chanson la plus facile d'accès, mais qui reste assez cool, quoi. C'est une expérience, voilà. Une expérience, allez, c'est parti, expérimentons. Tout de suite avec Koshemea, All My Relations, donc Goodbye Kevin. Thank you. Voilà, ils viennent de dire le nom du morceau à la fin. Donc inutile que tu le redises. Mais c'était l'artiste Kochemea. Voilà, écoutez l'album si vous êtes curieux. C'est chez Daptones Records. Ok, eh bien, enchaînons avec Pilgrim Magazine, qui est le groupe du New Yorkais Joe Stevens. Et en 2018, il sortait son premier album Modern Métaphysique chez Slumberland Records et incarnait un petit peu l'un des grands nouvel espoirs du shoegaze et de la dream pop. Donc tu avais tous les ingrédients, hein, la distorsion, batterie minimaliste, dissonance qu'il affectionne beaucoup. Oui. Non. Ah, je pensais que tu voulais ajouter un truc. Et voilà, donc vraiment, on a dit, cet album-là, il a été vraiment accueilli plutôt chaleureusement. Par les critiques. Ensuite, après ça, il a sorti un EP qui est sorti chez Tough Love, le label d'Ulrika Spacek, où il avait un peu abandonné ce côté do it yourself de sa chambre pour passer en mode groupe, quoi. Où avant, il était tout seul et là, il s'est entouré d'un groupe. Et en fait, à travers cet EP-là, il a dévoilé des morceaux un petit peu plus pop, un peu plus accessibles. Enfin, une production plus accessible en tout cas, pas forcément plus pop. Et donc là, le 3 avril dernier, il a sorti son deuxième album, toujours chez Slumberland Records, qui s'appelle Agitprop Alterna. Et le morceau que j'ai choisi, c'est une ballade qui est presque pop justement, mais qui garde les codes du shoegaze, mais sans le côté distorsion. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai appris après que ce morceau, qui donc vient clore son deuxième album, c'était le morceau d'ouverture du premier EP, enfin de l'EP de chez... Tu comprends? T'as pas compris? C'est un morceau qui clôture. Le morceau qu'on va passer, qui s'appelle Up and Up, la petite ballade pop un peu shoegaze, c'est vient clôturer cet album-là, ce deuxième album-là, mais c'était un morceau qu'on retrouvait sur l'EP qu'il a sorti entre son premier et son deuxième album. D'accord. Cet EP où... il allait vers des choses plus accessibles. Plus pop. Oui. Chez Tough Love. Oui, Tough Love. Voilà. Donc là, on retrouve ce morceau-là. Et c'est un pur hasard, puisque je n'avais pas écouté l'EP. En question. Voilà. Donc je te propose d'écouter Up and Up de Pilgrim Magazine. Thank you. Feel Dream Magazine avec Up and Up. Tu le sens, le côté shoegaze? Ouais, tu le sens, mais comme c'est saturé, mais c'est doux. Ah oui, oui. Tu le sens pas trop violemment, non. Quoi. Exactement. C'est-à-dire, t'entends bien la voix, ce qui est pas souvent le cas de shoegaze, non, elle est ouais. Noyée, quoi. Intéressant, c'est Feel Dream Magazine. On va partir, pareil, avec un espoir. Un groupe espoir. Puisque pour le moment, ils ont sorti que des singles. C'est les Black Country New Road. Black Country New Road qui serait une route qui n'existe pas vraiment au Royaume-Uni. Il y a une espèce de légende derrière sur cette... Bon, voilà. Les gars qui font le leader du groupe Black Country New Road dit que c'est du bullshit. Que ça n'existe pas. D'accord. Mais il y a une histoire derrière ce Black Country. Qu'il y aurait en Angleterre une route qui s'appelle un certain type de truc comme ça. Une fausse route, une route que... Voilà, un peu parallèle. Qui servira à quoi ? On ne sait pas, voilà. On ne sait pas. Voilà. Ok. Voilà, la légende. Donc lui, il dit bullshit. Bullshit, yeah. Il dit non, c'est juste mon nom. C'est juste le nom du groupe. Donc espoir, parce qu'ils ont sorti que des singles. Ils avaient sorti un premier single qui s'appelle Athens, comme la ville, France, comme le pays. Merci. Non, mais c'est pas... Tu sais, souvent, t'as ça, Orléans, États-Unis, ça peut marcher. Mais oui. Athènes, France, je sais pas s'il y a un Athènes. Voilà, donc c'était ce premier single sorti chez Speedy Wonderground qu'on a évoqué la semaine dernière avec le groupe PVA, ouais. Label anglais. C'est un label qui est porté par un producteur anglais, qui est le producteur du moment, qui est Dan Carley, qui a notamment produit Tame Impala, c'est le gars du moment. C'est le Damon Albarn un peu. The guy. Voilà. The guy. Qui est connu parce qu'il a sa propre méthode de travail. Et tu dois accepter si tu veux bosser avec lui, une sorte de charte. C'est un nazi, quoi. Non. Non, bah, il a une recette qui fonctionne bien. Donc, il dit il faut enregistrer dans son studio, déjà d'une. Enregistrement sur une journée pour un morceau. Et ça s'arrête avant minuit. Il n'y a pas de pause-déj. Tu vois, c'est, en gros, il y a ça, quoi. Si vous voulez voir la suite, il y a le manifeste. Il est disponible sur le site internet du studio de Dan Carley. Et donc, ben, Black Country New Road, ben, c'est un sextet qui font du post-punk assez énervé et barré. Ils ont sorti leur dernier single qui s'appelle Sunglasses, cette fois-ci chez Blank Edition. Et ben, il est porté par le phrasé du chanteur qui est assez enragé. Quoi. Vous allez voir, c'est limite parler son chant. Scandé, exactement, merci. Et il y a aussi pas mal de saxophones. Bah, sextet, t'as plein de musiciens. Tu vas voir un moment, ça part un peu... c'est un peu plus brut. Pareil, accrochez-vous, parce que le morceau vaut le coup. Il y a une montée. Là, on va écouter la partie radio-édite, c'est-à-dire plus courte. Ah oui. Mais il y a une version de 8 minutes. Et en fait, eux, c'est un peu les descendants de Fat White Family, quoi. Ouais, d'accord. Ils évoquent ce groupe comme... leur mentor. Non, que ça a ouvert une nouvelle scène. Ah oui, d'accord. Voilà, il y a plein de groupes qui sont engouffrés. Notamment, tu as Black Midi, qui aujourd'hui cartonne en Angleterre. Un peu comme les grands frères, tu vois, l'aîné qui ouvre la porte... Exactement. À ceux qui suivent derrière, quoi. Et d'autres groupes comme Squid. Ah oui, ouais, ok. Tu vois. Et c'est vrai que quand tu réfléchis, ils n'ont pas tort. Et donc, l'album, il est à venir dans les prochains mois. Et donc, nous, on va écouter ce deuxième single qui était sorti en 2019. Pour le moment, ils se font rares, un peu secrets, comme un peu le nom du groupe et la légende qu'il y a derrière. Black Country New Road et le morceau Sunglasses. Welcome to the best new six-part Danish crime drama. She buys everything, the gloves, gold in the kitchen larder. Mother is juicing watermelons on the breakfast island, and with frail hands she grips the Nutribullet and the bite of its blades reminds me of a future that I am in no way part of. And in a wall of photographs, in the downstairs second living room's TV area, I become her father, and complain of mediocre theatre in the daytime, and ice in single malt whiskey at night, of rising skirt hems, lowering IQs, and things just aren't built like they used to be. The absolute pinnacle of British engineering. And I am so ignorant now, with all that I have learnt. Jack of hearts, I am looking at you, and you cannot tell I am more than the sum of my parts. I am looking at you with my best eyes, and I wish you could tell. I wish all my kids would stop dressing up like Richard Hell. I am locked away in a high-tech, wrap-around, translucent, blue-tinted fortress, and you cannot fucking touch me. I am invincible in these sunglasses. I'm modern Scott Walker. I'm a surprisingly smooth talker, and I'm invincible in these sunglasses. Black Country New Road. Bim bam boum. Et le morceau Sunglasses. J'ai hâte de les voir en live, juste pour voir l'énergie qui dégage. C'est le moment de se quitter, Léna. Bah oui. Comme promis, on va écouter un deuxième extrait de l'album de Will Toledo, son projet Car Seat and Dressed, avec le morceau Hollywood. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. C'était émission GBK. Goodbye Kevin 163. Ben. Painted over in a week of it stinks. So let the people decide. you think I'm famous? Okay, hop inside. Come see my movie. Hop inside. Come see my movie. Hop inside. Come see my movie. Catch a ride. It's kinda groovy. You can't disengage with one single aspect. Watching from the sidelines, supervising lines. Why don't you take what you can get? No disruptions on the set. You're gonna wind up back home where the fear splits in two like Moses. On bills, waking up in beds with big producers. I can make you famous, I can make you something. Don't go back